Nous ne sommes pas condamnés à l'échec. Voilà le chant de l'autistan atypique et fier de l'être. J'ai repris l'hymne d'un battant pour ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend. Deux, qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre. Deux, parce que la vie est un combat. Pour les NT comme pour les TSA, faut accepter ça, faut pas que tu te caches. Lève-toi et marche, c'est un pour les miens. TSA atypique pour la plupart et pour les NT, ignorant notre cauchemar. Le 2, ce sera pour ceux qui rêvent d'une France inclusive, parce qu'à ce jour, il y a de France qui peut le nier. Et moi, je suis de la deuxième France, celle des exclus, des ignorés, des gens bizarres, différents, des assistés. C'est ce qu'ils disent tous de nous, mais on a d'autres projets, qu'ils retiennent ça. On n'est pas victime de notre TSA, regarde-toi, atypique et fier de l'être. On manie la langue de Molière, on maîtrise les lettres. Atypique, les gens nous trouvent souvent bêtes, mais notre esprit est libre, notre différence une façon d'être. On est parti de loin, l'esprit entravé, le système ne nous a rien donné, on a dû le braver. Depuis la ligne de départ, notre vie n'est pas une course, pendant que les autres se moquent, nous on réfléchit en boucle, on est censé échouer. Finir enfermé, seul dans un HP. Et si j'en parle, la gorge nouée. C'est que on nage dans des eaux profondes sans bouée. On a l'atypisme tatoué dans la peau, atypique depuis qu'on est né. Mais l'espoir ne doit pas nous quitter. En attendant des jours meilleurs, faut résister et résister encore. Nous sommes le capitaine dans le bateau de nos efforts. N'attends rien du système, deviens indépendant. Aspire à être un gagnant, pas un perdant. Parce qu'on vient de la planète bleue. Et c'est vrai qu'on a vécu, non, un vrai rêve bleu. Mais le bleu dans les yeux, pourquoi nous dans les hostos, eux dans les bars, nous derrière nos phobies. Eux des fêtards, ils défendent la normalité, élus de nos problèmes. Mais une question reste en suspens, que fait la France pour nous-mêmes? Que fait-elle pour aider les nôtres, les mêmes galères que les nôtres? Regarde comme galèrent nos mères, d'abord c'est l'échec scolaire, la solitude et la colère, la violence, le goût amer, l'échec, la perte de repères. On n'est pas condamné à l'échec, pour nous c'est dur mais ça ne doit pas devenir un prétexte. Si la différence est une arme, soyons armés, car sans elle nous sommes désarmés. Malgré les déceptions et les dépressions, suite à la pression que chacun d'entre nous ressent, même si on touche le fond, qu'on ne voit plus rien de bon, même s'il y a abandon et des trahisons, malgré les évictions, les séparations, le manque de compréhension, les pleurs et les pulsions, notre désir de garder la tête hors de l'eau est notre seule motivation, notre unique ambition. Il est temps que les atypiques s'éveillent, j'ai envie d'être plus direct. Il est temps que nos efforts payent, ce que la France ne nous donne pas, on va lui prendre. Je veux pas rester seul chez moi, je veux sortir me faire entendre. Si on est livré à nous-mêmes, le combat faut qu'on livre nous-mêmes. Il ne suffit pas de pleurer, parce que le monde nous malmène. Faut pas qu'on freine malgré la peine, faut t'entreprendre, crier ta haine du phénomène. Lâcher les rênes, demander qu'on t'aime. À toi de voir, as-tu le courage d'être vraiment toi? Entreprends et bats-toi. Atypique et fier de l'être, on n'est pas condamné à l'échec. Diplômé, éclairé ou paumé, à cheval entromé, gentil ou chamé, les atypiques ont trop ramé. Je sais ce que la France promet, et c'est un crime contre notre avenir que la France commet. C'est pour les discriminés, personnes handicapées, nos enfants qui galèrent, s'expriment par la colère, ils vivent à travers la peur, se renferment sur soi, capables mais instables et exclus de l'emploi. Même si on n'est pas des lions, on ne va pas se laisser faire. Pour nos enfants, on va prendre ce qu'on nous a promis hier. Même s'il faut deux fois plus de courage, deux fois plus de rage, car il y a deux fois plus d'obstacles et de nombreux orages. Et alors notre victoire aura deux fois plus de goût avant de pouvoir la savourer. On prendra deux fois plus de coups, les pièges sont nombreux. Faut être deux fois plus attentif, deux fois plus qualifié et deux fois plus motivé. Ne laisse pas ta vie au sort, faut pas que tu te caches. Lève-toi et marche, atypique et fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec, on est condamné à réussir, à franchir les barrières, faire reculer les frontières. Regarde ce qu'ont accompli nos parents pour garantir un enseignement à leurs enfants. Où seraient-ils sans leur sacrifice, tous ces enfants différents par leur atypisme? Si on se tait, où est la fierté? Si on se cache, est-on en liberté? Chaque mère atypique est en mission, chaque gosse atypique doit avoir de l'ambition. On ne peut pas laisser s'évaporer nos rêves en fumée sur des pages de secrets, à avaler des substances qui brisent nos volontés, anesthésient nos désirs et noient nos capacités. Hey, on vaut mieux que ça. Rien n'arrête un atypique qui se bat. On est nombreux, forts, et nos mères sont fières, immenses, et le courage qu'elles portent en elles. Vois-tu des faibles ici? Je ne vois que des atypiques qui rêvent ici. Atypique et fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec. Ce texte, je vous le devais, même si je l'écris le cœur serré. Et si tu pleures, pleure des larmes de rêve et d'inclusion, car tu n'as vraiment rien à craindre, fais ta révolution.